Septembre Rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Quatrième épisode. Previously, dans Septembre Rouge. Qui empêchera Stanislas Norvid d'avoir le Goncourt cette année? Certainement pas Jean-Pierre Peuchère, ce poète d'une modestie décourageante. Sauf que cet homme discret donne des cours de grammaire à Lily Rose, la fille de Vanessa Paradis. Il est même devenu leur intime depuis qu'il a sauvé le petit chat de la famille. La vie est pleine de surprises redoutables. Mais pour l'heure, retrouvons Stanislas Norvid et Maria Mellet devant les éditions du Bac. Ah Maria, Maria, ma chère Maria, j'ai été bouleversé par votre lettre. J'en ai pas souvent reçu de cette eau-là, vous savez, et j'en recevrai certainement pas souvent d'aussi ravissante. Mais quelle lectrice vous faites, mais vous embellissez tout ce que vous lisez, hein, mes phrases, sous votre plume, oui, oui. Vous avez recopié de votre adorable écriture un paragraphe qui est peut-être l'un de mes préférés. Elles ont la légèreté des gazelles. Allez, si vous n'êtes pas trop pressé, je vous invite à boire un verre. Vous connaissez le Café de la Mairie, Place Saint-Sulpice? Mmh. Vous savez, on y a tourné il y a 20 ans La Discrète. C'était la douce Judith Henry, filmée par Christian Vincent, aux côtés du déjà immense acteur qui est toujours Fabrice Lucchini. Vous connaissez Fabrice? Non, pas du tout. Comment pourrais-je? Ben, je vous le présenterai. Nous avons des projets ensemble, mais top secret, bien sûr. Mmh. On se retrouve toujours par jeu au Café de la Mairie, c'est un peu comme un rendez-vous en Italie, quoi. Le Café de la Mairie, c'est mon café préféré. Vous vous souvenez, Julio Cortázar y a installé les personnages d'une de ses plus belles nouvelles, ah. Les âmes secrètes. Et je me demande même s'il n'en a pas fait un des lieux de son roman, Marelle. À moins que ce ne soit le café de Cluny. Et c'est l'histoire d'une rencontre de... Enfin, je veux dire, j'en parle dans... Mais je peux pas être... Enfin, oui, bien sûr, Cortázar, les chronopes et les fameuses, c'est tellement émouvant. Allons-y, je meurs de soif. Vous connaissez cette nouvelle dingue qui s'intitule L'ours mou? Je comprends pas tout ce que vous dites, mais je vous trouve absolument charmante. Vos cheveux, là, ce chignon qui vous fait ressembler à Audrey Hepburn, une Audrey des îles. Mais quel est votre parfum, Maria? Je reconnais l'iris, le magnolia. Une onde d'orchidée, sûrement de l'ambre, du jasmin, hein, et du musc, oui, bien sûr, beaucoup de musc, c'est magnifique. Allez, venez. Il lui prend le bras, et il marche vers la place Saint-Sulpice. Paris en septembre, comme disait Fitzgerald, c'est le paradis. La lumière, une lumière de directeur de photo, rose, caressante, dorée. Il lui prend les épaules, ils sont sur le pont des Arts. Tiens, passez. Ici, Woody Allen y a successivement filmé Diane Keaton, Mia Farrow, Emma Stone. Il y a une phrase charmante, une phrase que je cite toujours. Les femmes sont plus belles au cinéma que dans la vraie vie, sauf à Paris. Grâce à la lumière de Paris, surtout au bord de Seine. Comment ne pas tomber amoureux au milieu de toute cette beauté, hein? Les platanes qui ondulent, les bateaux-mouches qui sifflent leurs petites chansons, les moineaux, les mouettes qui nous font une escorte. Maria, Maria, savez-vous que vos yeux reflètent les remous du fleuve? Et je m'y noie, moi. Maria, je m'y noie. Il l'embrasse. Ils arrivent enlacés au Café de la Mairie. On monte au premier étage. On sera plus tranquille, non? Les fantômes de Cortázar nous y attendent. Et puis cette Pérec aussi. Allez, vous vous souvenez de ce texte, cette expérience d'épuisement d'un lieu? Paris est un tel concentré de... Une ville sorcière, non? Sincère, non, je dirais pas ça, non, pas sincère. Allez, Maria, ma colombe, ma petite colombe en or, restons sur la terrasse, on se croirait à Rome, hein? La fontaine étincelle, et puis moi, j'aime pas tellement les fantômes. Oh, tiens, regardez, il y a Pivot qui passe. Il a un peu vieilli, non? Un sacré coup de vieux derrière la nuque, on l'appelle? Vieux? Non, je sais pas, il me semble que cette sorte de personne est éternelle, non? Non, l'appelez pas, je préfère pas. Ils me font peur tous ces gens. On dit un mot de travers, on fait une faute contre un protocole inconnu et qui n'est jamais expliqué, et ça y est. La tête roule dans le caniveau, on est éliminé, condamné. Je pensais pas que c'était si terrible, si violent. Un livre qui paraît. Oh, je préfère parler à personne. Voilà. À part à vous, bien sûr. Allez, faut pas être craintif comme ça, ma gazelle. Ah, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'ai acheté ton livre. Comment il s'appelle déjà ? Le lait de la lionne. Ah oui, ouais, c'est ça, oui. Ouais, ah oui, oui. Oui, ça fait un petit peu littérature pour mômes, non ? Ils t'ont pas dit ça ? C'est pour ça qu'on retient pas. Il faut du sens dans le titre, il faut du sens partout, en fait. Moi, à la place de Julien, je t'aurais conseillé de l'appeler, la fourrure, un truc comme ça, quoi. Ah oui, vous avez sûrement raison, mais Cortazar, je veux dire, c'est érotique, non, Cortazar ? Pourtant, il met des pingouins, des phoques, des bébés lapins. Et vous connaissez l'histoire de... Oh, pardon. Dès que j'ouvre la bouche, des phrases me viennent, des phrases de Cortazar. Vous l'avez vraiment acheté ? Acheté. Ouais, acheté. Hier, dans une librairie. Et la libraire, elle était abasourdie. Elle m'a reconnu, bien sûr, elle m'a fait une réduction. Elle m'a dit, non, monsieur Norvig, vous achetez vraiment des livres ? Et un roman, en plus, d'une inconnue. Quand je pense, a-t-elle dit, qu'on accuse les écrivains d'être auto-centrés, de penser qu'à eux, et même d'être radins, hein ? Enfin bon, elle adore L'amour est mort, elle a fait une pile devant la caisse, les gens se l'arrachent, elle voudrait que je vienne faire une signature, mais moi je lui ai dit qu'en ce moment c'est pas le moment, il faut savoir se faire désirer. Hein. Bon, elle a pas lu le tien, mais moi j'ai conseillé de le faire. Ça me fait tellement plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Je m'imaginais pas que vous l'avez lu. Et est-ce que vous aimez ? Vous trouvez pas que... Non, comment veux-tu que je... Non, je te dis que je l'ai acheté, t'es contente, non ? Très, ça me... Et dis donc, tu sais que Jérôme Garcin, Nathalie Crome, Régis Debray, Marie-Laure Delorme et Chantal Badounou se battent pour que L'amour est mort soit MLE. MLE ? Ouais, meilleur livre européen au festival de je sais plus quoi, mais bon, meilleur livre européen, quoi. L'année dernière, c'était Umberto Eco et l'année d'avant, c'était Martin Amis. La remise des chèques, elle est à Venise, au Palazzo Grassi. Et le chèque, un bon gros chèque. Avec des zéros. Oh, c'est magnifique. Le corps, c'est l'essentiel. L'amour, what else? Est-ce que tu sais qu'on perd jusqu'à 1 kg de masse musculaire par an à partir de 62 ans? Et moi, je dis toujours qu'il vaut mille fois mieux être un jeune au physique moyen qu'un beau vieillard, non? Hein? Tu crois pas que c'est un martyr absurde d'être laid? Hein? Tu me diras que toi, tu peux pas savoir, ma petite antilope. Et pourtant, si, tu peux puisque t'écris. Est-ce que c'est pas notre croix, à nous, les écrivains, de pouvoir être comme les comédiens, ce presque mort, là, cette demi-folle, ce vieux débris ? C'est très injuste, au fond, les laits, hein ? Bah oui, ils peuvent plus s'en sortir, nulle part, et aujourd'hui, moins qu'hier encore. Enfin, tout le monde attendait ce sujet-là, celui de mon livre, je veux dire, L'amour de la beauté, le triomphe de la jeunesse, nothing else. Quand je dis que c'est vraiment moi, cet amour mort, ça fait un choc, et au fond, je me demande pourquoi. Moi, je crois que les écrivains sont hors du temps. Ils nous ramènent à l'essentiel, loin des apparences futiles et si tu vois, ça remet tout en jeu de mettre en scène un homme de pouvoir et une jeune fille. Et sais-tu pourquoi c'est le seul sujet, la seule chose qui intéresse ? Parce que personne n'accepte plus de mourir. Avec ce livre, moi, je joue avec le feu, tu vois, Lord Dali, l'épreuve suprême, la traversée du bûcher. Bon, j'aime bien l'eau aussi, remarque. Hein. Les femmes fontaines, elles inondent ma vie et mes pages. Je suis sûr que t'en es une, Maria. J'ai un septième sens pour ça. Oh, Stan. Rue Payet, Adélaïde et sa nièce Sidonie. C'est vraiment adorable d'avoir accepté d'inviter Jean-Pierre à dîner. Au bureau, j'arrive pas à travailler, on s'agit toute la journée et rien ne se fait. Puis son livre est vraiment magnifique. C'est moi qui suis ravie. Un invité, c'est l'occasion de faire un peu de cuisine. Si j'en fais pas, je perds la main. J'ai fait un osso buco de poisson. Et le pavlova, je ne suis pas mécontente. Ce qui m'a touchée en fabriquant son mini-site avec lui la semaine dernière, c'est qu'il est absolument naïf dans les vapes. Il est gentil sans le vouloir. Non. C'est la première personne qui ne m'a pas parlé de Houellebecq quand je lui ai dit que j'étais sa nièce. Hey, Il a pris son air sérieux, m'a dit qu'il ne connaissait pas vraiment, qu'il ne lisait pas les journaux, et m'a demandé si je pensais qu'il devait le lire. Mais tu as dit quoi ? Bah, c'est ton frère quand même, j'ai dit oui. J'ai dit que tu lui en passerais un ce soir. T'en as un ici ? Évidemment. Bon, je verrai. J'en ai un peu marre de diffuser ces livres. Je suis pas la libraire de mon frère, comme disait Cain. Tu mets de la musique ? J'aurais dû acheter des fleurs. T'inquiète pas, il va en apporter tout son livre, dit sa délicatesse. Je sais. Anne-Sophie a découvert qu'il était ami avec Vanessa Paradis. Elle voudrait qu'il s'en serve pour faire sa promo. Oh. Il refuse, évidemment, et ça la rend folle. Oh, je l'adore. Il lui a même pas envoyé son livre. Il dit que c'est pas du tout son genre de livre. En même temps, cette discrétion, cette élégance, c'est aussi ce qui fait le charme de son livre. Un charme infini. C'est comme si j'étais amoureuse de lui. C'est bizarre, non ? Bizarre ? J'aimerais tellement faire quelque chose pour lui, pour son livre. Envoie-le à Vanessa Paradis. Adélaïde. Ah. Oh, quel bouquet magnifique. Des dahlias, la plus énergique des fleurs. Elle me rappelle la Bretagne. Cette odeur vigoureuse et délicate des dahlias. Je suis vraiment très touchée. Je ne m'attendais pas du tout à cette si délicate attention de la part de Sidonie. Une jeune femme si merveilleuse s'intéresser à un loser comme moi. Comment pouvez-vous vous dénigrer à ce point ? Et puis la rue Payet, c'est important pour moi. C'est une rue de mon enfance. J'ai été à l'école de la rue Victor Cousin. Une école primaire extraordinaire. Mon institutrice était une adepte de la méthode de Crowley. Toute la classe était organisée autour de la vie des élèves. Et puis pas loin, rue Le Goff, il y avait un bonhomme qui vendait des rayons de miel. J'ai encore en tête les alvéoles hexagonales et la couleur dorée des miels bruts de tant d'espèces différentes. Ce type, peut-être... C'est drôle que vous parliez de ruche. Mes recherches à l'INSERM portent précisément sur la chimie de la pollinisation et ses perturbateurs. Vous savez, pour les abeilles. En fait, je vous ai invité, Jean-Pierre, parce que j'avais envie que vous entendiez ma tante parler de sous un ciel de traîne. C'est tellement gentil. Je ne sais pas où me mettre. Mangeons. C'est très simple, je vous préviens. J'espère que vous aimez le poisson. S'il n'y a pas d'arrêt. Adélaïde est une cuisinière exceptionnelle. Je voulais vous dire que Sidonie est une jeune... Non, pas de compliment, pitié. Je ne sais plus savoir quoi dire et puis je rougis très facilement. C'est une infirmité épouvantable. C'est incroyable. Moi aussi. Il paraît qu'on peut traiter ça par l'hypnose. Ah, vous croyez ? C'est du miro ? Oui. En ossobuco. Une recette de mon père. Sidonie le fait mieux que moi. Oh, tu dis n'importe quoi. Évidemment, quand j'ai commencé votre livre, j'étais méfiante. Nicolas Vauquelin, votre personnage, je pensais être la seule à le connaître intimement. Comment êtes-vous tombée sur lui ? Tu ne veux pas lui faire le coup de où vous trouvez vos idées ? Non, bien sûr. Encore que... D'ailleurs, le sujet, on s'en fout, non ? Ce qui est incroyable, ce sont les images, le style... Sa description des grosses mains, de la petite tête, des yeux mi-clos de Vauquelin, sa modestie, sa timidité d'enfant pauvre, son génie, ses obsessions. On ne cesse d'y penser et de se demander à quoi cela renvoie. C'est du génie humain. Tenez, écoutez. Rien n'échappait à sa perspicacité. L'odorat et le goût étaient tellement exercés en lui qu'ils étaient devenus les premiers instruments de ses savantes analyses. Avant d'employer des réactifs, il connaissait déjà en partie les principes qui entraient dans la composition de la plupart des substances qu'il avait soumises à l'examen de ses deux sens. Personne, avec de grosses et lourdes mains, presque sans ongles, n'était plus leste et plus adroit. Et on était tout étonné quand on parvenait à l'entendre de la finesse et de la justesse de ses explications. Sa voix était grêle et presque éteinte, et ses yeux jaunes demeuraient constamment à demi fermés. C'est vraiment beau. Et quand je pense que cet homme totalement autodidacte a découvert la chimie, tout simplement, qu'il a identifié le chrome, et la pectine, et la nicotine... Mais je crois que la force de Jean-Pierre, c'est la création de ce personnage de femme. Ça m'a tellement émue. C'est vraiment un portrait de femme magnifique. Vous avez façonné, modelé, inventé une femme qu'on voudrait connaître. Tendre et impitoyable, moderne. Elle me fait penser à Karen Blixen. On est hors des clichés de genre qui me fatiguent tant. On est dans... dans le vrai de la vie. La littérature. D'être si bien lu, c'est un cadeau tellement inattendu. Je suis tellement découragée. Je ne devrais pas le dire, mais je doute souvent de l'intérêt qu'il y a à continuer à écrire. Prenez encore un peu de Pavlova. Non ? Vraiment ? Je vous laisse travailler un peu à votre carte du tendre des éléments. Je dois envoyer un document à Malmö. Mm-hmm. C'est Denis ? Mm. Je te laisse le temps de tout ranger. Mm. Dans les couloirs de la maison de la radio, Bernard Pivot aperçoit au loin Vanessa Paradis. Vanessa ! Vanessa, attendez-moi ! Oh ! Oh, Vanessa, quel honneur ! Monsieur Pivot, vous me reconnaissez ? Oh, je suis si touchée. J'aime tellement tout ce que vous faites. C'est si généreux, si utile. Grâce à vous, nous sommes moins bêtes, collectivement, comme peuple et individuellement aussi. Nous allons dans la même direction. N'inversez pas les rôles, je vous en prie. Vous êtes mon idole. Vous êtes pour toujours Elisa. Moi, je ne suis qu'un pauvre bougre spécialisé en orthographe. Mais du temps d'apostrophe, j'ai toujours tenté de vous inviter sous les prétextes les plus variés. L'arnaque-cœur est un chef-d'œuvre tellement indépassable. Quant à l'amour d'une sorcière... Un amour de sorcière. Mais alors, comme ça, vous aimez les livres. Le monde est mal fait, j'aurais voulu le savoir plus tôt. Oh, l'arnaque-cœur. Mais quelle trouvaille, ce titre. Déjà 5 ans, le temps passe trop vite. On va à la même émission. Vous allez où? Avec vous, mais où vous voudrez. Hein. Bon, allons, pour commencer, chez ce monsieur Augustin Trapenard, en espérant que ce ne soit pas un traquenard. Oh, quand je vais dire à ma fille que je vous ai parlé, elle lit énormément. Elle avait un babysitter, un répétiteur, en fait, qui a beaucoup compté pour elle. C'est un écrivain, vous le connaissez forcément. Oh, je suis loin d'être omniscient, on ne peut pas tout lire, vous vous en doutez, ni tout voir. In medium stat virtus. La vertu tient à la modération. Oui, c'est si vrai. Oui. Oh, le latin, c'est tellement important. J'espère que vous défendez le latin. Hein. Moi, je le défends de toutes mes forces. Hein. Jean-Pierre Pecher a expliqué 1000 fois à Lily que tout vient de là. Les fourches codines, les oies du Capitole, tout quoque mi fili, la femme de César. Oh. Bon, vous allez parler de quoi chez Augustin ? Mais c'est inouï que vous connaissiez la femme de César. Enfin. Soit dit en passant, une phrase intraduisible, hein, vous vous souvenez. Quant à moi, je suis le héros de la langue française menacée, alors je fais le boulot. Le souci, c'est que... il ne faut pas que je me laisse aller à leur donner la shortlist du concours. C'est ça qu'ils veulent. Le trapenard est malin comme un singe, mais ils ne l'auront pas. Non, embargo, jusqu'au 18. Alors, y a qui ? Vanessa. Mais, bon, et, alors, vous... Vous ne le répéterez à personne, juré. Juré, même pas à ma fille. Hein. C'est juste par curiosité, pour savoir et oublier. Bon, alors, évidemment, Stanislas Vorvide. Ça, c'est notre favori, son livre est énorme. Un succès, déjà un classique. La virilité qui se bat comme jamais contre un monde de nounous castratrices et de petites salopes. Ensuite, le Mabankou. Plein de fièvre et politiquement bienvenu, surtout en ce moment, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faut une femme. Un goût. Indiscutable. Et pour faire le mort, comme on dit au bridge, un Gallimard. Sinon, c'est nous qui sommes morts. N'importe lequel. Édicadour. Oui, Édicadour. Oh, c'est formidable. Quelle liste. Oh, mais vous êtes vraiment fort au Goncourt. C'est comme un casting. Ça doit être parfait. Et c'est parfait. Bon, ne parlons plus de ça et parlons de vous. Que lisez-vous, ma chère ? Oh, je viens de finir quelque chose. C'est quelque chose que j'aime infiniment. Mais alors, c'est pas du tout le style Goncourt, pas du tout. C'est très beau, mais comment dire ? Mais que savez-vous, pardonnez-moi, du style Goncourt ? Ben, le style Goncourt, le style Goncourt, depuis les frères, on le commente beaucoup. on glose, on ricane, mais bien malin, qui peut le définir. Le style Goncourt, Vanessa, aujourd'hui, c'est moi. Et je n'ai pas l'intention de me faire embaumer si rapidement. Allez, allez, dites-moi le titre de ce roman si palpitant. Oh, bah, vous l'aurez voulu, hein, mais oh là là, je sais que ce n'est pas du tout votre tasse de thé. C'est pas Goncourt pour un sou. C'est Sous un ciel de traîne. C'est un roman de Jean-Pierre Peucher, son troisième. Mais vraiment, je suis sûre que ça ne va pas vous intéresser du tout. Ah, oui. Son troisième et son... Non, son onzième. Oh, pardon. Son onzième. Sans jamais percer, vous aimez vraiment ça. Remarquez, je ne l'ai jamais lu. Comment vous expliquer, c'est... On est enveloppé dans une brume, une brume chaude de connaissances. Cette brume qui est aussi celle des souvenirs qui s'estompent. C'est comme le temps dans Proust. Cela n'existe pas et il n'y a rien d'autre. Des sensations, les rues sombres, la rumeur du faubourg, l'injustice du sort, les mots qui ont du mal à jaillir. Oh, il faudrait quand même que j'essaie au moins une fois. C'est vraiment épatant de parler avec vous, Vanessa. Ça rafraîchit. Ah mais ça donne du sens à tout. Les livres, vous ne pouvez pas imaginer la punition que c'est parfois. La tannée, on aimerait les brûler. J'ai rêvé d'autodafé. Bon, c'est normal, hein. C'est normal, vous savez. Le burning out, c'est pour tout le monde. Moi aussi, j'ai rêvé d'étrangler des gens qui venaient me parler de Joe le taxi. Ah, Vanessa, Bernard, vous êtes trouvés. Venez vite au maquillage, on commence dans une minute. Ah non, pas de maquillage, petit Augustin. Ah non, pas de maquillage. Ah bah si, c'est obligé. Vous savez bien, la radio s'est filmée aujourd'hui. Oh. Allez, c'est pas si terrible. Un petit peu de fond de teint, c'est pas méchant. Je suis si contente, Bernard. Je suis sûre que nous nous reverrons. Vous êtes taureau ascendant bélier, et c'est mon signe complémentaire. Jean-Pierre Peucher est balance, scorpion. Il est né le 18 octobre. 18, c'est le chiffre de la vie. C'est pour ça que je lui dis toujours que ça va aller pour lui. 3 fois 6, 2 fois 9. Octobre, c'est le 10. C'est tellement évident. À suivre. Septembre rouge. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Liliane Sidonier. Non, pas de compliment, pitié. Clémentine Verdier. Stanislas. Monsieur Norvid, mais vous achetez des livres. Jérôme Kircher. Maria. Dès que j'ouvre la bouche, des phrases me viennent, des phrases de Cortázar. Keren Marciano. Jean-Pierre Peucher. Je suis tellement découragé. Pascal Collin. Bernard Pivot. Le style Goncourt, Vanessa, aujourd'hui, c'est moi. Jean-Gabriel Nordman. Vanessa Paradis. Oh, le latin, c'est tellement important. Judith Henry. Adélaïde. Tout son livre dit sa délicatesse. Elisabeth Mazef, le speaker. J'arrive enlacé au café de la mairie. Vincent Grasse. Vous savez bien, la radio s'est filmée maintenant. Et avec Mathias Mégard. Bruitage. Élodie Fiat. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage. Jean-Louis Deloncle, Pierre Henry. Assistante à la réalisation. Lise-Marie Barré. Réalisation Cédric Ossier.